Pour aujourd'hui, en fait, on a l'occasion d'accueillir au micro Chantal Beauvais, qui est la toute nouvelle rectrice de l'Université Saint-Paul. Madame Beauvais, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes en terrain connu ici, à l'Université d'Ottawa, pour y avoir réalisé une partie de vos études. Vous en gardez quel souvenir de l'Université d'Ottawa? Moi, j'ai beaucoup aimé ma formation ici. J'arrivais d'un établissement de premier cycle tout petit, on était au plus une cinquantaine d'étudiants. Alors, pour moi, d'arriver à l'Université d'Ottawa, c'était gros, gigantesque, puis ça bougeait d'activité. Alors, j'étais vraiment heureuse de voir ça. Je me suis vite adaptée. Et puis, j'ai beaucoup aimé mes études en philosophie ici. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat. Je garde un excellent souvenir de mes professeurs, des personnes chevronnées qui m'ont bien accompagnée tout au long de mes études. Vraiment, moi, je garde une excellente expérience de l'Université d'Ottawa. Mentionnons-le aussi, on vous rencontre à quelques semaines de la rentrée. Comment est-ce que c'est de se préparer pour une rentrée universitaire quand on est une nouvelle rectrice, finalement? Est-ce que la démarche ou la planification doit être complètement différente, j'imagine? Oui, puis surtout que là, c'est donc mon équipe est pas encore tout à fait en place, mm-hmm. Donc il y a beaucoup de transitions, de choses qui sont pas encore décidées. Mais je suis très excitée donc à l'idée de voir arriver nos étudiants. Puis hier, on en voyait déjà sur le campus qui circulait. J'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux. Alors pour moi, je suis très excitée à l'idée de les voir d'arriver. Mais pour la planification, c'est sûr qu'on veut s'assurer que nos étudiants soient bien, soient à l'aise, soient bien reçus. On a déjà quelques activités de prévues pour eux. C'est sûr qu'à Saint-Paul, c'est à moins grande échelle qu'à l'Université d'Ottawa. Mais tout de même, on tient à ce qu'ils soient bien accueillis, qu'ils se sentent à l'aise dès les premières semaines. Et puis, je vais faire tous les efforts possibles pour les rencontrer, les saluer, puis vraiment les accueillir individuellement. Rappelons-le brièvement, l'Université Saint-Paul est fondée en 1965 lorsque l'Université d'Ottawa devient une institution publique. Saint-Paul va accueillir ses facultés ecclésiastiques. L'établissement a toujours aujourd'hui le statut d'université pontificale, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que ça influence l'enseignement et les différents programmes que vous offrez? Ah, une question très intéressante. Disons, parlons tout de suite de la charte pontificale et de ce que ça signifie. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons des normes à respecter qui sont fixées par le Vatican. Bon, l'entité se nomme précisément la Congrégation pour les études catholiques. C'est une des unités administratives du Vatican. Et ça veut dire que nous avons trois facultés. Donc, la faculté de philosophie, la faculté de théologie et la faculté de droit canonique, qui est le droit appliqué à l'Église, qui doivent, en plus de rencontrer les normes, disons, du ministère de l'Éducation, rencontrer également les normes du Vatican. Alors, ce sont des normes de formation pour nos étudiants. Par exemple, si vous faites un baccalauréat ecclésiastique en philosophie, vous devez couvrir un certain nombre de disciplines et d'auteurs fixés par la Congrégation pour les études catholiques. Et ça, c'est en fonction du type de théologie qui se fait, des outils intellectuels dont on a besoin pour bien maîtriser donc le contenu doctrinal de l'Église catholique. Mais donc, c'est ce que ça veut dire d'avoir une charte pontificale. Donc, et ça veut dire aussi que les directeurs, donc les vice-recteurs, les recteurs, doivent aussi rencontrer certaines normes avant de pouvoir être considérés comme éligibles pour occuper ces postes-là. Mais d'ailleurs, votre désignation, ou du moins dans le processus de votre désignation à titre de rectrice, Rome a dû, le Vatican du moins, le Saint-Siège a dû émettre une opinion ou vous confirmer finalement en tant que rectrice, je crois. Absolument. Donc, nous, à l'Université Saint-Paul, donc il y a toujours les deux sphères de gouvernance qui cohabitent ensemble, la sphère civile et la sphère ecclésiastique. Donc, pour mon processus de nomination, le processus de nomination du recteur ou de la rectrice, donc les professeurs sont consultés, mais la nomination est faite par les pairs oblats. Je vous épargne tous les détails, mais les pères Aublas sont encore formellement responsables de la gestion de l'Université Saint-Paul. Et les Aublas doivent soumettre cette nomination-là pour, non pas approbation par le Vatican, mais comme vous dites, c'est reçu. Alors, ou bien on dit qu'on trouve ça acceptable, ou bien on dit qu'on trouve pas ça acceptable. Alors, bon, je suis très heureuse qu'on ait considéré ma nomination comme acceptable. Et à la fois agréablement étonnée. Pourquoi agréablement étonnée? C'est-à-dire que souvent on dit, bien, l'Église catholique ne respecte pas le talent des femmes, l'expertise des femmes. Je pense que il y a des paradoxes intéressants chez le premier dirigeant de l'Église, qui est le pape. Alors, il y a certaines questions ou certains ministères que les femmes ne peuvent pas occuper. Ça, c'est très clairement établi. Par contre, le pape actuel a émis des directives à l'effet que les femmes laïques se voient confier des mandats administratifs à l'intérieur de l'Église catholique. Alors, une femme rectrice, c'est dans une université catholique pontificale, c'est l'illustration de cette ouverture que manifeste le pape à l'égard des femmes. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, je vois aussi que c'est très bien accueilli par l'environnement. Les gens sont heureux de ça. Et c'est sûr que dans la société en général, ça fait déjà partie des mœurs. Donc, les femmes sont nommées dans des postes de haute gestion. Mmh, oui. Les gens ne clignent même plus de l'œil parce que c'est passé dans les mœurs. Dans l'Église, bien, le dossier évolue. Et je suis très heureuse qu'on m'a donné l'opportunité d'accepter ce rôle-là. Vous chevauchez déjà un peu ma prochaine question. Mm-hmm. Votre nomination a suscité un véritable intérêt dans la communauté. Mm-hmm. Pas seulement parce que, justement, vous êtes la première femme mm-hmm. de cette institution à accéder au poste de recteur, mais aussi parce que vous n'étiez pas une candidate membre de la communauté des Oblats. C'est ça. Qui est l'ordre qui a jusqu'à aujourd'hui présidé mm-hmm. aux destinées de l'université. Est-ce que, selon vous, l'Université Saint-Paul vit ce tournant historique que l'on a tant décrit suite à ces particularités-là? Ou est-ce que ça s'inscrit dans l'ordre des choses, selon vous, plutôt? Bien, oui, j'aurais goût de répondre oui et non. C'est-à-dire que, pour les Oblats, je pense que ça a été une décision importante. Peut-être que il ne s'attendait pas à la prendre aussitôt dans le cheminement historique de la communauté. Mais, bon, force est de constater que dans la plupart des communautés religieuses masculines et féminines, le recrutement est moins important. La communauté est vieillissante. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire facilement. La moyenne d'âge, je crois, chez les Oblats, du moins au Québec, je crois que c'est 75 ans. Donc, premièrement, les Oblats se sont impliqués, disons, avec passion dans la mission universitaire. Ce sont eux, en effet, qui sont à l'origine de l'Université d'Ottawa, oui. Non seulement de l'Université Saint-Paul. Et puis, au fil des années, il y a eu la Révolution tranquille. On a perdu des membres qui ont choisi de faire autre chose dans les années 70-80. Et puis, le recrutement n'était pas très très important. Donc, ils font le constat, bien, aujourd'hui, on n'a pas de membre qualifié ou intéressé qui veut occuper ou qui peut occuper cette fonction-là. Et moi, ce que je trouve extraordinaire de la part des Oblats, c'est de dire, parce que il y a des options possibles quand on arrive à ce constat-là. Et eux, ce qu'ils ont choisi de faire, avec beaucoup d'audace, d'espérance et de créativité, c'est de dire, écoutez, l'œuvre doit continuer. C'est une œuvre à laquelle on croit, on s'est investi là-dedans, on pense que c'est encore pertinent. Et on va confier la gestion de cette œuvre-là à quelqu'un qui y croit. Et peu importe qu'il soit Oblat ou pas Oblat, ce qui compte, c'est que la personne veut aider à faire fructifier cette œuvre-là. Donc, moi, je les trouve extraordinaires. Et on se garde aussi en même temps de dire que c'est une rupture avec le passé. Donc, il y a un partage des responsabilités tout de même qui a été constant, finalement, à travers l'histoire. Absolument. Entre les laïcs, oui. et les Oblats. Absolument. Moi, je viens d'une ville minière en région qui s'appelle Rouyn-Noranda, dans le nord-ouest du Québec. Oui. Il y avait des Oblats là, déjà présents, et on les voyait œuvrer en paroisse. Ils travaillaient toujours en équipe avec des laïcs. Donc, pour eux, c'est pas juste, pour utiliser un langage cru, de dire, bon, ben, on n'a plus personne, fait qu'on n'a pas le choix, on va donner ça à un laïc. C'est dans, pour eux, c'est vraiment dans la lignée de la façon qu'ils ont de faire les choses. Puis à l'université, si je prends un exemple plus proche, ça fait longtemps qu'il y a des laïcs dans l'équipe de gestion. Donc moi, j'étais vice-rectrice, il y avait un laïc qui était vice-recteur avant. Donc pour eux, c'est pour les Oblats, c'est normal. C'est sûr, là, je vous mentirai pas, c'est sûr que pour certaines personnes, autant dans la communauté universitaire que peut-être même dans la communauté plus global, il y a des personnes qui s'inquiètent peut-être en disant, ben là, si c'est plus un Oblat, qu'est-ce qui va arriver? Avez-vous senti des craintes? Oui, il y a des craintes qui ont été exprimées. Et puis, je suis certaine que même chez les Oblats, il y a peut-être un ou l'autre qui peut-être disait, bien, je sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Mais moi, je pense, et les Oblats également, que l'œuvre est plus grande que nous, et on se joint à cette œuvre-là parce qu'on y croit. Et moi, je me suis fermement engagée à travailler avec les Oblats. Donc, c'est pas parce que c'est plus un Oblat qui est à la tête de l'université aujourd'hui, en 2009, que nécessairement les valeurs Oblates ne seront plus reflétées dans les décisions qu'on va prendre. Mais est-ce que vous sentez tout de même qu'il y a un effort supplémentaire qui va devoir venir de votre part pour maintenir un lien avec la communauté ecclésiastique? Exactement. C'est qu'il va falloir développer des moyens de maintenir ces liens-là. C'est sûr, si j'étais un prêtre, par exemple, bien, je suis déjà inscrit dans des réseaux où je côtoie des gens de manière régulière. Si je suis un prêtre, je vais à des assemblées où je rencontre l'évêque, je rencontre d'autres membres de l'Église, d'autres archevêques, etc. Si je suis une femme, c'est peut-être pas aussi naturel dans mon quotidien que je vais rencontrer tous ces gens-là. Donc, il faut inventer des chemins pour s'assurer de rencontrer ces gens-là et puis de les consulter pour savoir bien quelles sont vos attentes par rapport à l'université. Donc, en termes techniques, on va se trouver des tables de dialogue où, d'une part, je vais toujours avoir un son de cloche sur ce que les Oblats pensent, comment ils voient ça, c'est quoi les valeurs qu'ils privilégient dans la prise de décision, dans l'évolution de l'université. Même chose avec notre archevêque, qui est, en vertu de la charte pontificale, qui doit veiller à ce que l'université garde son caractère catholique. Alors, on a déjà commencé à se rencontrer, et puis on va le faire de manière régulière. Donc, comme laïque, femme, donc, et je dois penser à des façons d'amorcer ces dialogues-là et de les maintenir d'une façon constante. Le fait d'être laïque ne signifie pas pour autant que vous êtes athée. Vous entretenez tout de même un rapport affirmé avec la foi, je crois. Oui, absolument. Bon, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, comme bien des jeunes Québécois et Québécoises. Bon, mes parents, ma mère était assez distante vis-à-vis de l'Église, avait, disons, vécu des choses douloureuses dans son enfance qui lui faisaient, disons, être sceptique par rapport à certaines affirmations. Mon père était un homme qui allait religieusement à l'église tous les dimanches. On ne discutait jamais de rien. Il fallait pas critiquer l'église. Et je pense que de nombreuses personnes ont été élevées dans des familles comme celle-là. Moi, j'allais à la messe et puis bon. Mais j'ai toujours été nourrie par les personnes et les témoins que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des laïcs qui étaient croyants et puis qui m'aidaient à cheminer dans ma foi. J'ai rencontré des prêtres vivants qui aimaient travailler avec les jeunes, qui étaient des beaux exemples, des beaux modèles. Alors, je pense que je suis une chanceuse qui finalement a vécu des expériences très positives par rapport à ça. Alors, je vous dis pas que tout baigne dans l'huile, comme dans n'importe quelle organisation, il y a des gens qui, disons, sont des moins bons témoins que d'autres. Alors, oui. J'ai eu l'occasion aussi de voir cela. Mais pour moi, ça a toujours été important que ma vie ait du sens. Et puis, le message de la foi chrétienne, globalement, c'est que le monde tel qu'on le connaît est appelé, disons, à vivre une plus grande justice, une plus grande vérité, et nous, chacun, nous sommes appelés à faire advenir ce monde meilleur. Alors moi, j'y crois viscéralement, et puis tellement qu'à un moment donné, j'ai joint les rangs des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Oui, effectivement, j'ai oui. été religieuse pendant quelques temps, quelques années, pas longtemps. Et j'aimais ça, j'étais attirée par l'idéal et puis aussi leur mission qui était d'aider les pauvres. Moi, ça me touchait beaucoup, mais c'est les modalités, disons, l'horaire strict et, disons, la façon de vivre les choses qui, à moi, me l'obéissance aussi. L'obéissance, c'est pas facile. surtout, bon, moi, je suis entrée, dans la jeune vingtaine, j'avais déjà roulé ma bosse. Mm-hmm. Alors, tout à coup, de dire, ben, je dois demander la permission pour ceci ou cela, pour moi, c'était une adaptation qui était trop difficile. Par contre, je garde un excellent souvenir de mon passage chez les Sœurs de la Charité d'Ottawa. C'est là que finalement, j'ai eu le temps de me découvrir. Parce que avant ça, j'allais à droite puis à gauche, je savais pas vraiment ce que je voulais. Et puis le temps que j'ai vécu là, qui était un temps où on a beaucoup de silence, beaucoup de temps individuel pour méditer, c'est là que j'ai découvert, ah ben j'aime la philosophie, j'aime la théologie, c'est ça que je veux faire. Mm-hmm. Alors, ce temps-là, je le vois comme un beau cadeau que la vie m'a donné. Et puis, quand j'ai quitté, pour moi, c'était pas « j'en ai assez de l'Église », là. C'était « moi, je crois encore à ça, je crois en cette mission-là, mais je vais trouver une autre façon de la vivre qui me convient à moi ». Et puis, bon, finalement, la vie m'a orientée, puis ça s'est bien déroulé pour moi. Je suis très heureuse. Vos études en philosophie, justement, parlons-en. Vous avez fait votre doctorat sur les rapports entre la foi et la raison mm-hmm. chez la philosophe et féministe engagée mm-hmm. Edith Stein. Je ne mm-hmm. sais pas si je prononce bien. Oui. Est-ce que ce choix-là de sujet s'inscrit dans votre démarche spirituelle, je peux dire, ou votre évolution spirituelle, ou est-ce que ce sujet incarne la personne que vous étiez au moment où vous avez fait ce doctorat-là? Question intéressante. Je vais commencer peut-être à traiter de ça de manière un petit peu historique en disant que quand j'étais au baccalauréat en philosophie, au Collège des Dominicains, oui. qui est une petite institution ici à Ottawa, dans un cours de phénoménologie, les philosophes vont se reconnaître là, le professeur avait dit, bien, vous savez, il y a le grand philosophe Husserl, oui. il y a son assistant Heidegger, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi cette assistante qui a joué un rôle très précieux dans la rédaction des manuscrits de Husserl, qui s'appelle Edith Stein, dont personne ne parle, et qui a quand même laissé des écrits importants et significatifs. Et bon, on en a parlé un petit peu. Et puis, elle avait laissé un opuscule qui s'appelait « La philosophie chrétienne ». Elle essayait de dire, est-ce que ça se peut, ça, une philosophie chrétienne, ou est-ce que c'est une impossibilité conceptuelle? Alors, je dis, tiens, je vais commencer à lire ça. J'ai trouvé ça intéressant. À l'époque, je ne savais rien d'elle, c'est-à-dire de sa vie. Et quand je me suis mis à lire sur sa vie, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et ce qui m'attirait chez elle, c'était son indépendance d'esprit mm-hmm. et sa fidélité à son désir le plus profond. Edith Stein était une femme juive. Convertie plus tard au oui. catholicisme. Elle a étudié la philosophie à un moment où les femmes étaient à peine admises à l'université. On parle du début du 20e siècle, oui. en fait. Oui. Oui. Et puis, ensuite, elle a eu de la difficulté à se trouver un poste à temps plein dans les universités. Un, parce qu'elle était une femme, mais aussi parce qu'elle était juive. Bon, elle était dans l'Allemagne nazie. Et puis, bon, elle a connu un cheminement, exceptionnellement dramatique. Donc, elle est devenue sœur carmélite et puis elle est décédée à Auschwitz. Son cheminement, après, m'intéressait. Et peut-être, vous savez, on choisit jamais d'étudier quelque chose pour, je dirais, pour à cause d'un intérêt purement spéculatif. On est des êtres humains. Notre intelligence est aussi, je dirais, influencée par notre affectivité, par ce qui nous fait cliquer, par ce qu'on aime. Et je pense, votre question, finalement, la réponse, après un long détour, oui, je me reconnais dans cette femme. Son geste de dire, ben moi, oui, je suis juive, mais la foi catholique m'intéresse, puis j'ai le goût de suivre ça. Et elle le fait, malgré le fait que ça suscitait beaucoup de réserves autour d'elle et même de la peine. Puis elle voulait étudier la philo, elle le fait. Et ce genre d'affirmation de soi, qui n'est pas de la violence ou de l'agressivité, mais de dire, moi, je me sens habitée par cette passion-là. Et je me donne la permission d'explorer ça, puis de voir, d'aller au bout de moi-même. Et dans son cas, ça se traduit aussi par un engagement social assez important. Oui. Et un peu comme vous, finalement aussi, vous avez été engagé dans la communauté sur certains conseils d'administration. Donc, il y a un autre parallèle ici qui est possible. Oui. Alors, pour moi, c'est important aussi, comme philosophe, mon modèle, c'est Socrate et Platon, c'est le grand papa de tous les philosophes. Pourquoi on réfléchit? Pourquoi on passe notre temps à explorer des concepts? L'enjeu majeur de ça, c'est qu'on ait une vie bonne. C'est qu'on fasse, qu'on ait une vie réussie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie réussie? Ben, je pense que ça veut dire pas juste moi qui dois en avoir une, mais les autres aussi. Et puis, l'engagement, pour moi, est très important. Je sais pas si, vous avez étudié Philo 101, on vous a sans doute parlé de l'allégorie de la caverne. Tout à fait, chez Platon, oui. Le philosophe, une fois qu'il a contemplé le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la caverne et va libérer ses collègues pour leur faire découvrir la beauté et la chaleur du soleil. Mm-hmm. Et donc, il y a une œuvre salvatrice dans la philosophie. Et puis, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Alors, les conseils d'administration où il y a des œuvres de justice sociale, où on donne, les êtres humains s'engagent pour que des pauvres aient accès à des ressources auxquelles ils n'ont pas accès parce qu'il y a des barrières systémiques, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez quand même une vision relativement positive de la philosophie. Étant un amoureux de la philosophie moi-même, je trouve tout de même que c'est très souffrant à étudier parce que il y a, vous savez, la connaissance, j'en parlais avec un professeur il y a pas très très longtemps, c'est cultiver la terre, c'est la labourer, c'est extrêmement pénible et difficile. Comment est-ce que vous en êtes venu à gérer cet aspect-là aussi des études en philosophie qui est comprendre la pensée d'un auteur, c'est une tâche qui est incommensurable. Cette dimension-là, vous l'avez gérée comment à travers votre parcours universitaire? Bonne question également. La première chose que je dois dire, c'est comment j'ai découvert la philosophie. Bon, moi, j'étais au Québec pour mes études de secondaire, cégep. C'est pas au cégep que j'ai appris à aimer la philo. Je dois vous dire ça tout de suite. Les cours, c'était pas très, très motivant. Le prof, je pense qu'il aimait pas beaucoup son travail. En tout cas, quand j'étais chez les religieuses, l'aumônier des Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui est un père au bloc, qui est encore en vie maintenant, qui a 94 ans, qui est devenu mon meilleur ami, il a vu que je m'intéressais à des questions que moi, je savais même pas que c'était des questions philosophiques. Moi, j'avais des questions. Et à un moment donné, il m'a remis un livre entre les mains, parce que moi, j'étais curieuse de tout, je voulais tout lire. Là, il m'a dit, écoute, tu lis ce livre-là, tu prends le temps d'approfondir tout ce qui est écrit là, tu me fais un rapport d'une page à chaque chapitre, puis on en discute. Et c'était Les Confessions de Saint-Augustin. Oui. Un livre très riche. Donc, c'est pas juste qu'il raconte son enfance puis ses bévues, mais c'est toute la question du retour sur la subjectivité, puis des chapitres à la fin sur le temps, sur la création, c'est des chapitres extraordinaires. Alors, j'ai dit, c'était pénible de lire ce livre-là, parce que on est habitué, je pense, dans notre jeunesse et le rythme de la société, on exige de nous qu'on maîtrise très rapidement les contenus. Alors, tu lis un article dans un magazine, voilà, c'est fini, tu passes à d'autres choses, Google, Wikipédia, etc. Alors qu'étudier la philosophie, C'est vraiment s'approprier un langage, c'est vraiment entrer dans la pensée d'un auteur, essayer de suivre son cheminement. Comment il est arrivé, elle ou il ou elle, à la conclusion? Et donc, c'est vraiment se dépouiller soi-même pour et avoir assez d'humilité pour laisser l'autre habiter en nous. Donc, c'est toute une démarche à laquelle on est mal préparé, je trouve. Et puis aussi, tout le langage. Tu sais, il faut apprendre à lire un texte puis dégager les arguments. Et je pense qu'on n'est pas très bien formé pour ça. Donc, ça a été pénible pour moi. Mes premiers cours de philo, j'ai souffert, ça n'a pas de bon sens. J'étais vraiment découragée. Je me suis dit, dans quoi je me suis engagée? J'avais un cours sur Kant où j'ai rien compris pendant des semaines. Et finalement, à force de m'acharner puis de passer du temps là-dessus, j'ai fini par comprendre quelque chose. Mais ce n'est que des années plus tard, ça, c'était au bac où j'avais bûché sur Kant, j'avais rien compris. Ce n'est que des années plus tard, même au doctorat, que finalement, la lumière s'est faite en moi, puis j'ai dit, ah, c'est ça la signification de l'œuvre de Kant. Alors, s'engager dans une démarche philosophique, c'est s'engager dans une démarche qui prend du temps. Et c'est un peu comme quand tu fais pousser des carottes, elles ne poussent pas le lendemain. Tu plantes et ça faut laisser le temps aux légumes de germer. Alors, je me compare pas à un légume quand on étudie la philo, mais quoi qu'on est assez légumes par moment. Mais ce que je veux dire, c'est que une démarche cognitive, ça prend du temps. Et malheureusement, dans notre société actuelle, on veut que les gens cheminent rapidement d'un stade à l'autre. Alors que Aristote, Platon, quand on les relit, nous disent que ça prend toute une vie de devenir philosophe. Gardant ça à l'esprit, en quoi est-ce que ça va influencer votre façon d'administrer, de gérer l'Université Saint-Paul, considérant qu'on vit dans un contexte présentement où l'université se transforme, mm-hmm. Il y a beaucoup de pression par rapport à l'institution avec un grand I, relativement aux critères de performance, entre autres. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a à la fois cette dimension-là à considérer, mais aussi vous me parlez aussi beaucoup de collégialité, de l'importance de laisser mûrir finalement la connaissance. Comment est-ce que vous allez arriver à concilier ces deux éléments-là dans votre poste de première dirigeante de l'université? Ah, c'est le défi. Mais d'abord, en fait, je pourrais peut-être réorienter ma question pour que ce soit plus précis. Est-ce que vous êtes favorable à un certain retour à la collégialité? Est-ce qu'on doit retourner à la collégialité dans nos universités aujourd'hui? Et comment est-ce que ça se présente à l'Université Saint-Paul? OK. La collégialité dans le monde universitaire signifie ceci. Je vais vous dire qu'est-ce que je comprends par là. C'est une institution qui a plusieurs siècles d'existence et elle est basée sur une forme, je dirais, de fraternité entre des professeurs qui ont une certaine expertise et qui croient, qui s'engagent fermement dans la tâche de l'éducation. En général, dans les universités, tous les comités sont des comités où il y a des professeurs, parce que ce sont les premiers acteurs, ils sont sur le plancher avec les étudiants, ce sont eux qui ont une connaissance des enjeux. Donc ça, c'est très important de maintenir donc cette dimension-là. En même temps, là où il y aura un défi à rencontrer, puis je pense que toutes les universités font face à ce défi-là, et je ne suis pas certaine qu'on a nécessairement trouvé la façon de gérer ça. C'est que la façon dont les ministères d'éducation, non seulement en Ontario, mais partout, il y a un débat très brûlant actuellement à Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Avec l'UQAM, oui. Avec l'UQAM. Les dérives financières. Donc, alors, en même temps, il y a des pressions de l'extérieur, donc parce que les gouvernements nous disent, écoutez, on vous confie des fonds publics, on veut qu'ils soient bien gérés, nous, on doit rendre des comptes, et la manière dont on fait cela aujourd'hui dans notre monde, c'est avec les critères de performance, les indicateurs de rendement, donc toute une armature conceptuelle qui appartient au monde de la gestion publique. Et ces pressions-là sont également visibles dans le monde de l'administration publique. Donc, si vous allez voir les gouvernements, les gestionnaires de gouvernement, leur mission, en bout de ligne, c'est de servir le citoyen. Donc, c'est une mission qui est qualitative, qui est relationnelle, c'est pas de faire du profit. Mais en même temps, son sujet, disons, aux mêmes pressions, aux mêmes critères. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter les extrêmes dans ces choses-là. Il ne faut pas diaboliser les ministères d'éducation, les gouvernements qui nous disent, écoutez, on a des fonds publics, puis on a des critères, puis bon. Il y a la reddition de comptes à faire. Il y a la reddition de comptes. Sur ça, oui. Puis quand, je veux dire, moi, je crois en l'éthique, je crois au gouvernement responsable, je crois à la démocratie, puis faisant partie de ça, c'est, écoutez, moi, je paye des impôts, je veux savoir comment c'est dépensé. Donc, faut garder ça à l'esprit. En même temps, il faut ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que faut toujours garder à l'esprit que il faut combiner ces deux éléments-là. Puis c'est pas facile parce que souvent, puis à l'UQAM, ça fait partie du débat aussi. Les professeurs vont dire, on en a assez de l'économisation du savoir. Tout doit être calculé en dollars, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est la mission de l'éducation, tout ça. Et à l'extrême, il y a des gens qui disent on devrait pas se préoccuper des questions économiques. Ça non plus, c'est pas raisonnable comme position. Alors, comment réconcilier deux discours qui ne dialoguent pas sur le même terrain. Qui sont pas toujours sur le même terrain, oui. Mais qui en même temps sont deux valeurs qu'on doit considérer. Je peux pas dire ça c'est pas une valeur la reddition de comptes, je vais mettre ça de côté. Puis je peux pas dire l'éducation en et pour soi est une valeur très importante, je peux pas mettre ça de côté non plus. Tu peux pas juste dire je vais financer des programmes en autant que à la fin les étudiants, le but du programme ce soit que les étudiants se trouvent l'emploi. Je veux dire, l'emploi, il en faut. Je veux dire, on espère que quand on a un diplôme, qu'on se trouve de l'emploi. Mais si c'est le seul critère qui prévaut dans la définition d'un programme, ben là, je trouve qu'il y a une dérive. Parce que, encore une fois, les objectifs d'un programme en et pour soi, c'est d'abord de former une personne. Puis, c'est pas juste de lui donner un contenu pour nourrir son cerveau. C'est parce qu'une personne humaine, c'est pas juste un cerveau. Un ordinateur, c'est juste un cerveau. Une personne humaine, c'est une personne qui est habitée de désirs, d'aspirations à se déployer dans toutes sortes de directions. Et ça veut dire que la connaissance doit aussi me nourrir dans ces niveaux-là. Donc, de dire que le seul indicateur de rendement à la fin, c'est si je me trouve de l'emploi, c'est très réducteur. Puis encore une fois, ça veut dire que seuls ceux qui ont de l'emploi, finalement, sont des citoyens qui ont réussi. Alors que ben il y a aussi des gens qui se trouvent pas d'emploi, puis qui sont des gens qui sont tout à fait bien formés, qui ont des aspirations, puis ça veut pas dire qu'ils ont pas réussi. Donc l'étudiant est citoyen avant tout. L'étudiant est citoyen comme citoyen au sens grec. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la cité et puis qui a un rôle à jouer aussi dans l'évolution de la cité et où les valeurs prévalent. Et puis un citoyen ben doit avoir les outils qu'il faut pour exercer ses talents. Donc, c'est très primitif comme notion, c'est une notion grecque, mais je trouve qu'il y a quelque chose de ça qu'on doit conserver. Et pour moi, la formation universitaire, elle est essentielle. Je pense que c'est essentiel qu'on réussisse le plus qu'on peut à maintenir les droits de scolarité accessibles pour les étudiants. Ça aussi, c'est tout un défi. Mais la clé du succès ou comment une personne peut s'épanouir pleinement si elle n'a pas accès à toutes les options de formation qui sont offertes dans la cité, j'allais dire sur le marché, mais dans la cité qui rencontre plus mon intention. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée dans une œuvre comme Discovery University. Mm-hmm. Pour le moment, c'est offert en anglais, mais cette année, on va offrir des cours en français. Donc, ce sont des personnes qui, pour de multiples raisons, sont dans la rue, littéralement, et qui, tranquillement, on essaie de leur donner des chances de s'intégrer dans la société, et on pense que ça passe par l'éducation. Donc, on leur offre des cours de niveau universitaire, et c'est vraiment merveilleux le feedback qu'on reçoit sur les formulaires d'évaluation. Le feedback qualitatif le plus fréquent est celui-ci. J'ai appris à m'aimer moi-même à travers ce cours-là. Mm-hmm. Puis là, on parle d'un cours de philo ou un cours d'histoire du Canada. C'est un cours qui est finalement comme n'importe quel cours vous allez recevoir dans votre formation universitaire. Mais le résultat, c'est que ces gens-là, tout à coup, se sentent pour la première fois dignes d'être considérés et dignes d'apprendre quelque chose. Ils disent, mon Dieu, je suis capable d'apprendre quelque chose comme Platon, je savais pas ça. Et ils lisent des textes, on les engage à vraiment entrer en dialogue avec le texte. C'est formidable. Et puis, moi, je pense que l'éducation, c'est ça. À la fin, il faut savoir qui on est et il faut s'aimer assez pour s'épanouir et s'engager dans les avenues qui sont les plus cohérentes avec soi-même. Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et bonne rentrée. Merci, au plaisir.